comme y'a que des bons gars de tous les quartiers. Des mecs qui manient le mic depuis que les tiens sont mis à parler. Et nos freestyles sont pas les vôtres. Une part de réalité, c'est MC et pas des nôtres. On est tous omniprésents, c'est de Barjo. Et pour les nôtres en prison, bête de Barros. On n'oublie pas les castes du Sadès pour les vrais, pour les tasses de bulles. Destin de chien, échiale ma misère sur beat. J'prends une latte et retrouve-moi sur orbite. Par la fenêtre, je regarde la pluie comme un gamin. Mon histoire est sombre comme le fond de ton sac à main. C'est malheureux de voir ça à mon âge. Vie de vol, de deal, de vagabondage. Je dédicace ça à mes rats, mes yens. Ceux qu'on exclut, accusés chez Yann. Sorti de nulle part ailleurs. Dans ce beat, j'veux ma part en morceaux, plaquette ou en kill. Dans ce jeu, dans ce level, demande leur kill. King nerveux, rebelle, speed à 100 à l'heure. Le rap depuis le temps, mon seul guide, mon rôle, suis du nettoyeur. MC, squeeze high, une balle dans ta tessie. Rappeur de rêve, pour tous les vrais, on représente. Je m'en bats si personne m'aime. L'ignorance, c'est pas voir la violence que mes yeux lancent. Fais pas confiance, je suis misanthrope. Une prison propre sera toujours plus sale qu'une maison de proie. C'est sûr. Celle que j'ai mise en bloc n'a rien d'Elvira en coque. Un tout cas, c'est pour de la coke, je vire à Bangkok. Mec, je m'en bats les couilles si personne m'aime. Je lâche des rimes antipersonnelles et ton beau impersonnel. Je suis pas venu au monde avec l'idée de décrocher la lune. Mec, on rame, on rêve tous un jour de faire fortune. Et chance et grêle quand se succèdent les drames. Tout ce qui traîne, idem pour les substances qu'on crame. Partout du business. Sa vie de rodka et bédo, ça nique son pote gars. Y'a trop de potes qui tombent sous écrou. C'est pour les sales gosses, tête grillée comme un noir en Russie. Freestyle des repentis, m'en veux pas si je réussis. Pourquoi mes potes tu ne les respectes pas? Dis-moi t'as quoi? Tu crois que t'es qui? Je te route comme on m'en mendie. J'suis venu avec des rimes crues comme la dynamite. C'est torpille, balance ton meilleur hit. Toujours présent avec mon pote Hades. Ici ou en prison, tu vois nos dégaines qui te vexent. Antidote production, gaffe, fais-y attention. Tant de tester, je te mets la pression. Un rappeur de rêve, pour tous les vrais, on représente. Y'a les gars du Laps, freestyle, Hades. Pas d'espace, pas de maladresse, pas de trace, on note de bad vibes, vibré en espèces. Est-ce parce que se vendent quelques coups parce que le hip-hop perd ses repères? Les barres du ghetto se dispersent dans les mêmes assiettes que trop peu persévère. Studio sur les galettes, débarque en lundi. Le plein d'M6 pointe, point d'essai bien rodé, c'est l'attaque en rime blindé. Fais vivre sous le sol le cœur de cette musique. Sur feuille, sur bande, repeint la ville pour nous rappeler aux amnésiques. Hey, attrape le mic, vol, bim, bastos. Du fumier sort de belle rose. Hose, cours, achète, vas-y. Lâche-toi, pose un peu que chiche, je rime comme ça. J'agrafe les bouches des pipelettes, c'est ça. J'aime pas les bonnes touches car c'est rempli de bluffeurs. En foulure, laisse-moi faire mon putain de taf. Là, c'est dit Omar, la foule s'esclave. Enfin, tout le monde a posé. Tu connais le talent, Hades de rebondi, c'est bien lui jusqu'au ballon. Freestyle rappeur de rue, retiens bien ma gueule, la perds pas de vue. Car un jour ou l'autre, j'perce, nique, tout sur beat à fond la caisse. Où suis-je? Pas loin. Représente à fond la tête. Où est la glace? Où est le bâtard? Où est ma place? Où est le camtar? Où je mets les faces? Où je me déplace? Où je fais le casse? Pas trop tard. Rappeur de rêve,